Alors, on accueille au téléphone notre invité du soir, c'est Christophe Hutto. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir. On a plein de questions à vous poser. On va balayer un petit peu. Voilà. Donc, Christophe Hutto, je vous présente rapidement pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes un ancien journaliste, vous êtes passé par plusieurs grandes rédactions, alors en vrac, hein, l'Équipe, RTL, France Football, Le Figaro, France Soir, enfin voilà, tout ce qui compte de médias importants. Oui, c'était une extraordinaire expérience, une première partie de ma vie professionnelle dont je garde que de bons souvenirs, honnêtement. Je comptais vous la poser un petit peu plus tard la question, mais c'est pas grave, on va la faire de suite. Ça ouvre des portes quand on devient agent de joueur d'avoir un passé de journaliste, ou au contraire ça, bah justement parce qu'on a été journaliste, ça freine un peu? Non, au contraire, ça ouvre des portes parce que les 15 premières années de ma vie professionnelle m'ont permis de me constituer un carnet d'adresses, hein, tous les acteurs du football, hein, de par mon activité, que ce soit des dirigeants de clubs, des joueurs, et donc inévitablement, bien évidemment, ça ouvre des portes et ça vous permet d'aller plus vite et de vous imposer plus rapidement que d'autres dans cette profession, incontestablement. Est-ce qu'on voit le football et puis dans tout ce que ça comporte de comment on appelle ça, est-ce qu'on voit l'économie du football différemment quand on est journaliste et quand on passe un petit peu de l'autre côté en devenant agent, où on rentre vraiment dans le fonctionnement vraiment des clubs? Est-ce qu'on voit les choses différemment, où on garde ce même regard qu'on avait avant mais en étant plus impliqué? Écoutez, j'ai envie de vous dire déjà que c'est une excellente question, parce que c'est une question que l'on m'a rarement posée, mais qui est très très importante. La vision du football que j'avais en tant que journaliste ne correspondait que partiellement et de façon très incomplète à la réalité de l'économie du football. Il y a une vraie, vraie différence de perception, bien évidemment. Alors, c'est quoi cette différence? Est-ce que vous pouvez la décrire aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez décrire ce que vous pensiez avant et qui s'est retrouvé être plutôt faux aujourd'hui? Les grands clichés, j'étais journaliste, lorsque j'assistais à un match et je voyais des joueurs qui n'étaient pas performants, j'étais les premiers à les juger durement, sévèrement, et lorsque vous êtes de l'autre côté, vous les jugez différemment parce que vous vous rendez compte que ce sont effectivement des footballeurs de haut niveau, mais ce sont aussi et surtout, avant tout, des hommes avec les mêmes problèmes que Monsieur Tout-le-Monde, avec les mêmes contraintes et probablement beaucoup plus d'exigences parce qu'aujourd'hui, à ces jeunes garçons, on leur demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors certes, le grand public va dire encore heureux avec ce qu'il gagne, mais très honnêtement, je vous demande de me croire, il n'y a pas de notion d'argent pour un footballeur lorsqu'il rentre sur le terrain. Lorsque j'entends à certaines reprises des gens dire ouais, ils sont trop payés, ils ne pensent qu'à l'argent, mais pas du tout. Je vais vous donner un exemple. Un joueur va préférer gagner moins mais jouer le week-end plutôt que de bien gagner sa vie et de ne pas jouer et d'évoluer dans la frustration. Donc c'est effectivement deux visions totalement différentes que j'avais et que j'ai aujourd'hui. Celle que j'avais en tant que journaliste et celle que j'ai aujourd'hui en tant qu'agent, en tant qu'acteur de ce milieu passionnant et fabuleux. Après, par exemple, excuse-moi, quand on voit ce qui se passe, par exemple, avec Adem Benarfa, je vais y arriver, c'est aussi parce qu'on voit ce genre de choses qu'on se pose des questions. Vous avez raison, il y a des contre-exemples, bien évidemment. Il y a une vieille formule qui dit, un vieil adage qui dit qu'il ne faut jamais faire d'un cas une généralité, mais oui, on va trouver bien entendu, des exceptions, mais en règle générale, croyez-moi, il n'y a pas. Ce que je vous dis est conforme à la réalité. Pour rebondir, est-ce que justement votre passé, votre vie antérieure de journaliste, alors évidemment, je vais vous poser la question, ça vous a aidé évidemment, je pense, pour écrire votre bouquin. Mes secrets d'agent aux éditions Marabout, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est est-ce que ça vous a alors aidé en termes de rédaction? Oui, je pense. Mais est-ce que vous vous êtes dit, ben voilà, j'ai les deux facettes de voilà, je suis dans le milieu et en même temps j'ai les compétences pour faire ça. Ou est-ce que c'est venu voilà comme ça un jour vous vous êtes dit, ben pourquoi pas raconter un petit peu l'envers du décor sans trop peut-être en dévoiler. La réelle motivation, tout d'abord, c'est essayer modestement de faire comprendre au grand public ce qu'est réellement, à travers ma propre expérience, la vie d'un agent. Pour beaucoup, un agent est un escroc. Pour beaucoup, un agent ne pense qu'à l'argent et n'est là que pour se goinfrer sur le dos de joueurs. Et au détriment des clubs, bien évidemment. Donc je me suis dit, non, j'en souffre. J'en souffre parce que cette vision ne correspond absolument pas à ce qu'est notre métier. Un métier complexe, difficile, où vous devez être corvéable à corps et à cri. La vraie motivation, c'était celle-ci, c'était de dire à travers ma propre expérience, voilà, le métier d'agent, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. À travers ma propre expérience, c'est de dire, ben voilà, j'ai connu effectivement les deux aspects, l'aspect journalistique et puis la vie à l'intérieur du football, qui est une vie trépidante, passionnante et qui vous dévore. Il y a une question que je me suis toujours dit le jour où j'ai la chance et l'occasion de parler à un agent de joueur, je lui pose la question. Honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui ce sont les agents qui font les équipes qui font, on va la faire autrement, est-ce que Bernès fait les transferts en France aujourd'hui? On est sur une autre planète quand on parle de gens comme Raiola ou Jorge Mendes par exemple, ça donne l'impression de l'extérieur que ben c'est même plus les clubs en fait qui décident de qui ils auront dans leur effectif. On a l'impression que c'est ces gens-là qui font un petit peu ce qu'ils veulent avec leurs joueurs. Non, ça correspond absolument pas à la réalité. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous demande de me croire. Il y a des agents comme Raiola, comme Mendes, comme Zahavi, qui sont des mastodontes de la profession et qui effectivement ont un poids certain, pour pas dire un certain poids, auprès de certains clubs et de certains présidents et entraîneurs. Mais en aucune manière et en aucun cas, un agent ne va constituer le groupe d'un club ou d'une équipe. C'est une vue de l'esprit et ça ne correspond absolument pas à la réalité. Alors bien sûr, moi-même, à mon modeste niveau, en France, vous avez des atomes crochus et vous avez des liens privilégiés avec certains présidents parce qu'il y a une confiance qui s'est instaurée au fil des années avec certains entraîneurs, avec certains directeurs sportifs. Donc effectivement, le décideur va avoir, lorsque vous lui présentez un joueur, plus tendance à vous faire confiance qu'à quelqu'un d'autre. Mais de là à dire qu'un agent est en mesure aujourd'hui, et quel qu'il soit, y compris les mastodontes du secteur, mais de là à dire qu'un agent est capable de faire une équipe, c'est une vue de l'esprit et ça ne correspond absolument pas à la réalité. On a l'impression pourtant que sur certains dossiers, certains agents font pression pour garder garder un certain nombre de joueurs dans les clubs pour continuer à avoir un petit peu la mainmise. On a l'impression que aujourd'hui il est impossible pour un club de se fâcher avec certains agents, sinon ils vont avoir la moitié de leur transfert devenir impossible. Il y a eu des rumeurs qui parlaient que par exemple Mendy il avait été pris pour calmer alors je crois que c'était Bernès à l'époque, parce qu'on voulait pas garder Carrasco et qu'on avait fait partie plusieurs joueurs qui lui appartenaient et qu'on avait pris Mendy pour le faire garder. Est-ce que ce genre de choses c'est réellement imaginable ou est-ce que vous pensez et assurez que c'est totalement faux? Je peux pas vous affirmer que c'est totalement faux, parce qu'il faudrait que je connaisse l'ensemble des dossiers que vous venez d'évoquer pour avoir une position ferme. Je précise que ce ne sont que des rumeurs, je n'ai aucune idée de si c'est vrai ou pas. Je pense que c'est nous accorder plus d'importance que l'on en a. Une nouvelle fois, je me répète, mais cet individu dont je me refuse à citer le nom parce qu'il est tout sauf mon ami, il est même celui que j'exècre et qui pour lequel je ne partage rien. Il est évident que je pourrais très bien vous dire oui, vous avez raison, c'est scandaleux, il a fait faire n'importe quoi au Girondins de Bordeaux, mais ça serait trop facile de ma part. J'ai rien qui me permette de l'affirmer aujourd'hui. J'ai une question sur l'évolution de la profession, du métier d'agent un peu plus général. On a, alors toujours pareil, de l'extérieur, on a l'impression que depuis quelques années déjà, avant, voilà, la situation elle était simple, il y avait le joueur, l'agent, le club. Maintenant, on a l'impression qu'il y a le joueur, l'agent, le club et diverses, comment on pourrait appeler ça, électrons libres ou ce qu'on appelle des fois des intermédiaires, des gens dont on ne sait pas trop ce qu'ils font là, ni pourquoi ils sont là. Et est-ce que ça pollue ça votre travail ? Bien sûr que non seulement ça le pollue, non seulement il faut le condamner, mais j'ai aussi envie de vous dire que les principaux responsables de cette situation, ce ne sont pas les agents sérieux, ce sont les dirigeants qui acceptent de discuter avec n'importe qui. Aujourd'hui, il y a une législation, il y a un code du sport qui précise et qui est on ne peut plus clair. Un dirigeant de club n'a pas à discuter avec un agent qui n'est pas un agent licencié. Oui, alors faut rappeler. Malheureusement, régulièrement, certains dirigeants discutent avec des agents non licenciés. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que notre métier est très compliqué, parce que, d'une part, on est entre le marteau et l'enclume, mais en plus, on nous fait porter des mots que nous n'avons pas à porter. Que les dirigeants, en règle générale, fassent déjà correctement leur travail, qu'ils respectent la législation telle qu'elle a été établie, et je pense que on s'en portera tous bien mieux. vous pensez qu'il faut plus réglementer encore la profession? Non, il ne faut pas plus la réglementer. Non, il y a tout a été écrit dans le cadre du code du sport. Il suffit de faire respecter la législation, qui est totalement différent. C'est comme dans le droit commun, dans la vie au quotidien, combien de fois on entend nos politiques dire il faut réformer, il faut légiférer, il faut mettre une nouvelle loi en place. Et bien souvent, ils oublient que cette loi qu'ils veulent promulguer, elle existe déjà, sauf qu'elle n'est pas appliquée. Nous, on a, le législateur a très très bien travaillé, nous avons une profession qui est très très bien encadrée, malheureusement, effectivement, elle n'est pas toujours bien respectée. Mais est-ce que vous comprenez si par exemple je vous dis que personnellement j'ai du mal avec ce métier, j'ai du mal avec le fait que des agents puissent posséder entre guillemets des joueurs. Alors, encore en France, vous savez, on ne détient pas les droits des joueurs, parce que je trouve que c'est encore plus malsain dans certains clubs, dans certains pays. Mais aujourd'hui, j'ai du mal qu'un agent puisse avoir deux joueurs au même poste dans un même club, par exemple. Ça arrivé l'année dernière avec Maxime Pungé et Théo Penlar. Alors, je ne sais plus qui était l'agent de ces personnes. Mais arrivé un moment, ça en devient un minimum malsain. J'ai l'impression qu'un joueur, ben, s'il a besoin d'un conseiller pour gérer sa carrière, ok, mais j'ai du mal à comprendre qu'un joueur ait besoin d'avoir un agent et qu'on ait 140 joueurs par agent. C'est quelque chose qui me pose problème. Mais je peux comprendre, hein. Je peux comprendre votre position. La partager, non, mais la comprendre, oui. Ça serait normal, puisque c'est votre métier. Si vous partagez ma vision, ça serait quand même un petit peu bizarre. Non, mais après, c'est à l'agent d'être assez intelligent pour pas se retrouver lui-même dans une situation difficile où effectivement, avoir deux joueurs au même poste dans le même club, c'est totalement ingérable. Parce que vous êtes à ce moment-là obligé de faire un choix. C'est un conflit d'intérêts un peu ? Oui, moi j'estime que c'est un conflit, alors peut-être pas d'intérêt, enfin, mais un conflit intellectuel voilà. En tout cas. Oui, à savoir à quel moment, c'est vrai quand tu as deux joueurs au même poste dans le même club, qu'est-ce que je fais ? C'est un vrai problème. Qu'est-ce que je fais ? Parce que forcément si j'en mets un en avant, c'est au détriment de l'autre. Oui, mais croyez-moi, les joueurs sont tous sauf idiots. S'ils constatent cet état de fait, vous aurez même pas, vous, agent, le loisir de trancher. C'est le joueur qui va trancher, qui va vous dire, bon, écoute, je change d'agent parce que t'es bien gentil, mais on est deux au même poste, dans le même club, et tu privilégies plus mon pote que moi. Donc, mieux vaut se séparer. Quand c'est un pote. Oui, ouais. Quand c'est un pote, oui. Comment on fait pour convaincre justement, hein, parce que je suppose que vous allez, je sais pas comment on dit, peut-être démarcher des nouveaux joueurs pour qu'ils travaillent pour vous. Comment on fait justement pour convaincre un joueur de devenir son agent, de lui dire voilà, ben avec moi tu peux aller dans une autre direction ou t'auras peut-être plus de réseau. Quel mot on trouve pour convaincre un joueur? Alors, l'antériorité, ce que vous avez fait déjà dans la profession. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de faire partie de ces gens qui n'ont pas besoin et qui ne démarchent pas les joueurs. Généralement, ce sont les joueurs qui viennent vers vous. Et auquel cas, parce que bien souvent, je peux vous comprendre, mais vous vous dites, l'agent va chercher les joueurs. Détrompez-vous, c'est pas systématique. Bien souvent, c'est le joueur qui va chercher son agent. Et moi, il m'arrive souvent, pour ne pas dire de façon hebdomadaire, de refuser de m'occuper des intérêts de certains joueurs, pour X, Y, Z raison. Mais personne n'appartient à personne, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le joueur peut choisir son agent, mais permettez-nous, nous, agents, de pouvoir aussi de choisir des joueurs avec lesquels vous avez envie de travailler. Aujourd'hui, vous comprenez que certains présidents, alors le dernier en date qui défendait beaucoup ça, c'était Jean Le Trio, disent que les joueurs devraient, eux, payer leurs agents et qu'il ne devrait pas y avoir de rémunération ou de commission sur les transferts ou ce genre de choses. Alors, déjà, vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Parce que dans votre question, il y a plusieurs angles, il y a plusieurs aspects. Déjà, aujourd'hui, la législation fait que ce n'est pas le club qui paye l'agent, mais le joueur qui paye l'agent dans le cadre d'une convention tripartite. C'est-à-dire que le club se substitue au paiement de la commission due par le joueur, mais la rémunération, la commission payée à l'agent par le club est déclarée en tant que rémunération sur la fiche de paie du joueur. Donc le joueur paye des charges sociales sur la commission et paye également de l'IRPP, donc de l'impôt sur les revenus qu'il a perçus pour vous payer. C'est juste une délégation de paiement en réalité. Mmh. Donc pour vous, c'est déjà le joueur qui paye. Mais on a toujours l'impression qu'il y a sur le montant de transfert, il y a une partie qui va à l'agent. Des fois, on a l'impression qu'il y a des micmacs totalement. Enfin, l'impression même que c'est souvent ça qui vient polluer le football. Alors, Je veux dire, en France, on parle moins. Oui, voilà, parce que c'est mal, c'est peut-être mal aussi relayé ou expliqué par C'est mal relayé ou expliqué. Souviens-toi de ce qui s'est passé à Marseille il n'y a pas très très très longtemps. Ah mais après, il y a des gens. C'est un petit peu ce qui gâche aujourd'hui. On a l'impression que si on pouvait pas avoir, si les joueurs pouvaient s'occuper eux-mêmes de leur carrière, parce que vous disiez que les joueurs avaient. Ouais, mais moi j'ai du mal à comprendre que ça soit impossible dans le sens où un joueur s'entraîne en moyenne 3 heures par jour. Oui, mais je me dis que à côté je travaille aussi. Vous vous dites, mais ouais. Ça correspond pas à la réalité. Mais j'ai du mal à croire et à comprendre. Vous avez le droit de le croire, mais j'ai le droit de vous dire. Ah oui, totalement. Mais moi j'aimerais justement qu'on m'explique pourquoi un joueur qui s'entraîne, si on prend les Girondins en ce moment, c'est même pas 3 heures par jour, et pas le temps de s'occuper de leur carrière. Oui, mais Marc, t'es pas naïf. Il n'y a pas que l'entraînement sur le terrain, il y a tout ce qui va à côté, le physique, la vidéo, le machin. Ils s'entraînent pas 3 heures par jour. Ils s'entraînent sur un terrain 3 heures par jour. 6 heures, okay. Ouais. Après, il y a tout le reste. Il y a la vidéo, il y a le physique, il y a le machin, il y a tout ce qu'ils font à côté. Non, mais voilà, on est en plein dans le cliché. On est en plein dans le cliché. Le joueur, c'est tout juste s'il s'entraîne une heure et demie sur le terrain. Il y a des joueurs quand même à Bordeaux qu'on voyait qu'une heure et demie voyant. Enfin, c'est pas un cliché, c'est une réalité ces dernières années. Mais parce que vous n'êtes pas là au quotidien. Le joueur ne fait pas que s'entraîner sur un terrain. Le joueur travaille également en salle. Le joueur, et là vous le voyez pas, le joueur passe plusieurs heures entre les mains d'un staff médical. Là vous ne le voyez pas. Le joueur travaille avec l'ensemble de ses coéquipiers sur des séances vidéo. Et là vous ne le voyez pas non plus. Lorsque le joueur, l'équipe joue à l'extérieur, bon nombre de personnes se disent ah bah oui, ça va, il a une heure et demie à courir après un ballon. Tout juste si on va pas leur en donner 11 des ballons. Mais il faut rester sérieux. Ils partent la veille. C'est un stress hallucinant. Il faut avoir été sportif de haut niveau. Je dis même pas footballeur. Sportif de haut niveau pour imaginer ce que un sportif dans le cadre d'une compétition aujourd'hui doit gérer. Non, le footballeur ne s'entraîne pas une heure et demie par jour. Non. Ah, je grossissais forcément les traits, hein. Mais pour en parler avec certains joueurs, je sais qu'ils passent pas non plus 6 heures au Royan. Oui, mais c'est pas parce qu'ils passeront 6 heures au Royan qu'ils seront forcément meilleurs. Non, mais pas le contraire. Mais est-ce que ça représente pas 6 heures de travail dans la journée? Même eux le disent qu'ils ont du temps pour faire plein d'autres choses à côté et vivre plein de passions. Adrien. Ah, attends, si j'allume pas ton micro, oui. Ça va pas le faire. Vas-y, mon grand. La gestion et le rôle d'agent, je pense qu'un joueur peut pas forcément réaliser ça et n'a pas forcément les capacités. Il faut avoir un réseau, il faut connaître des gens. Les contrats et tout ça, je pense pas. Ça, par contre, c'est la vraie question. Est-ce qu'un joueur aujourd'hui peut s'en sortir dans le football sans agent? Parce qu'on a l'impression aussi que si un joueur n'a pas d'agent, il aura du mal à trouver un club. À moins s'il s'appelle Zinedine Zidane, je pense que lui il n'avait plus besoin d'agent. Il faut aussi avoir besoin d'agent pour gérer plein d'autres choses. Je pense, et même pas tu as raison, il faut faire un distinguo entre le joueur de très haut niveau, mondialement reconnu, et le joueur de bon niveau, qui est un professionnel, mais qui ne se retrouve pas dans des situations où il est demandé par tous les clubs de la planète. Pour prendre un joueur que vous connaissez, par exemple Gaëtan Laborde, ou ça peut être il n'a pas l'aura aujourd'hui peut-être pour sans agent avoir un réseau très énorme. Alors je pense que aujourd'hui c'est un joueur que j'adore beaucoup, c'est pas mal. Ouais, avant de parler de Gaëtan, parce que je ne doute pas que vous allez m'en parler, on va y venir et j'aurai beaucoup de choses à vous dire. Qu'est-ce que le travail d'un agent? Je crois que la véritable question, elle est là. Aujourd'hui, à écouter la majeure partie d'entre vous, du grand public, je parle, hein, bien évidemment, un agent, il est uniquement là pour trouver un club. Mais absolument pas. C'est 10% du travail de l'agent. Négocier un contrat de travail, c'est dans ces 10%. Aujourd'hui, le travail d'un agent, c'est... l'image, la gestion de l'image, c'est s'assurer que le joueur le joueur est assuré correctement, qu'on lui qu'il ne fasse pas n'importe quoi, parce que les sollicitations sont très nombreuses dans le cadre de la gestion de patrimoine, dans le cadre de d'une multitude de choses. Gérer les relations avec la presse, c'est gérer toutes les actions qu'il peut faire dans le cadre d'un association à but humanitaire ou non. Voilà, le rôle d'un agent, il est multiple. Donc, le joueur, aujourd'hui, il a à se concentrer sur son football. Le joueur doit être en disposition d'esprit pour être concentré sur le football, rien que sur le football, parce qu'aujourd'hui, le football est devenu une telle industrie, et j'emploie le terme industrie volontairement, avec des centaines de millions d'euros en jeu pour les clubs, que inévitablement le joueur doit être protégé de tout cela. Le joueur doit décider, et là j'insiste aussi volontairement, il doit décider, l'agent ne doit jamais décider pour le joueur. Mais l'agent doit faire en sorte que le joueur prenne une décision. Mais c'est pas à lui de dire ou de répondre à 50 ou 100 journalistes la veille d'un match. T'inquiète Adrien, je t'ai vu, mais je rebondis juste sur ce que vous dites. Il vous est déjà arrivé qu'un joueur vous dise, voilà, j'ai pris telle décision, alors ça peut être je veux quitter ce club ou je veux absolument rejoindre ce club, et vous lui avez dit, ben moi, personnellement, je pense que tu vas dans le mur, c'est pas une bonne décision, et que malgré tout, il l'ait fait, et que ça ait capoté sans qu'il tienne compte justement de ce que vous lui avez, Bien sûr. Bien sûr que j'ai vécu ce type, comme beaucoup d'agents, on vit ce type de situation. Et c'est pour ça que je dis que le joueur, vous êtes là pour l'épauler, pour lui donner les meilleurs conseils, mais qu'au final, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide le club dans lequel il va aller. C'est lui qui va décider à quel investissement il va faire. C'est lui qui va décider quelle assurance il va prendre. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter de présenter les joueurs comme des enfants. Ce sont aussi des adultes. Adrien. Oui, sur le rôle d'agent notamment, où je vous vois peut-être plus aussi comme un conseiller auprès du joueur. C'est sur la question, certains agents qui ont beaucoup de joueurs, vous demandez si ça peut pas être préjudiciable, vu que justement c'est une relation moins humaine, c'est un peu la machine qui sort, et même des fois des gros agents comme Raiola et tout ça, je suis pas sûr qu'ils aient un côté hyper humain que puisse avoir un de plus petit agent. Écoutez, Raiola, comme Mendes, comme beaucoup d'autres agents, et je m'englobe dedans sans me comparer à eux, bien évidemment, nous avons beaucoup de joueurs sous contrat et d'entraîneurs, et inévitablement, il y en a avec lesquels vous êtes plus proche que d'autres. C'est la vie. Quand je dis plus proche, déjà humainement, culturellement, vous allez avoir plus d'affinité, plus de complicité. Il y a des joueurs qui vont nécessiter une intervention quasi quotidienne. Il y a d'autres joueurs, et ce, quel que soit l'âge qui est le leur, qui n'ont pas besoin que vous les voyiez régulièrement ou que vous les appeliez régulièrement. Ça va dépendre de l'individu que vous avez en face de vous. Maintenant, effectivement, vous, je crois qu'il y a une taille à ne pas dépasser. Ou alors il faut être réellement bien organisé parce que ça demande beaucoup d'investissement de temps. Ouais. Une question comme ça, est-ce qu'il y a un joueur actuellement en France ou que vous aimeriez c'était ma dernière question ça. Que vous voudriez avoir soit parce que c'est au niveau du relationnel ça paraîtrait intéressant ou pour d'autres raisons. Écoutez, oui, probablement. J'ai pas de nom à vous donner parce que j'en ai pas qui me viennent à l'esprit immédiatement. Maintenant, un garçon, je me félicite tous les jours d'avoir à gérer les intérêts d'un garçon comme Gaëtan à Laborde, parce que c'est un môme exceptionnel, humainement, d'une richesse de cœur insoupçonnée, un père de famille qui a la tête sur les épaules. Je me régale avec ce genre de mômes, honnêtement, parce qu'ils ont, malgré leur jeune âge, une vraie maturité. Donc c'est vrai que aujourd'hui, pour répondre précisément à votre question, je suis très très content d'avoir d'avoir ce type de joueurs sous contrat, parce qu'on les voit évoluer, on les voit grandir, on les voit devenir des hommes, et ça c'est génial, ça c'est génial. Après, j'ai la chance de ne pas être dans l'obligation de faire du nombre, parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup de dossiers depuis que je suis agent, hein, depuis 2004. Mmh. Donc c'est pas une quête perpétuelle. L'argent doit être, ne doit pas être un but pour l'agent que je suis, mais la conséquence du travail que je fais. Voilà la grande différence avec beaucoup. Sur j'ai une petite question pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez vous conseillez les joueurs ou coach, hein, mais que ils pouvaient prendre des décisions qui étaient contraires à ce que vous avez conseillé. On vous avait parlé de Gaëtan Laborde qui est sous votre aile. On le fait maintenant. Mais toute la partie sur Gaëtan juste après, de toute façon, on va finir, je pense, avec Gaëtan Laborde. Mais vous avez normalement, vous gérez les intérêts de Monsieur Uto, de Monsieur Tolo, si je me trompe pas. Oui. Et peut-être que vous aimez pas le terme que j'employais, de gérer les intérêts, c'est un peu bizarre. Il va d'après ce qui avait été annoncé, intervenir régulièrement chez nos confrères de Web Girondin. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça puisse le desservir, par exemple, pour un futur poste au Girondin, par exemple? Si je pose la question, c'est que on l'a eu en direct. Voilà, dans cette émission, il a fait la gentillesse de venir il y a un petit mois. Il y a un mois, ouais. Et si je pose la question, c'est que je sais aussi que le club a des reproches à faire à certains sites de supporters et que ça pourrait être très mal perçu. Alors, attendez, je veux dire que, encore heureux, nous vivons en France, en démocratie, et chacun a le droit de s'exprimer. Chacun a le droit de ne pas être d'accord non plus avec les uns ou avec les autres, mais on ne se jette pas pour en parler, vous inquiétez pas, pour dire ce qu'on pense. Non, mais vous avez raison. À partir du moment où on respecte l'humain, moi c'est ce que j'ai dit, et ce que je me suis toujours évertué à faire lorsque j'étais journaliste. Vous avez le droit de dire qu'un joueur ou un entraîneur n'a pas été bon sur une rencontre, mais j'estime que c'est tout repassé notre rôle de journaliste lorsque on se permet de juger les hommes. Il y a une grande différence. On peut juger le joueur de foot et pas l'homme. Ça, exactement. Exactement. Et on ne juge que les joueurs de foot. Voilà. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes ou de pseudo-journalistes qui confondent les deux. Et je crois qu'il est très important de respecter l'homme en tant que tel. Voilà ce que je disais. Quand je dis ça, parce que là, on parle bien sûr de personne n'est journaliste dans l'histoire, puisque que ce soit du côté de Web Girondin, que ce soit de notre côté, ce ne sont que des supporters. Pour nous, on est bénévoles. Voilà, nous, oui, pour Web Girondin, ils ne sont peut-être pas tous bénévoles. Aujourd'hui, comment. Pour Didier. Sans forcément revenir à Didier, je voulais être plus général, pas forcément d'accord. Le viser lui, et pas forcément viser nos confrères de Web Girondin, ni forcément parler de nous. Si je prends un site de supporters, on attend aussi d'un site de supporters par moment, on sait que ça peut vite dériver dans le sens où les mots peuvent être très durs, certains sites peuvent faire la course au clic, des fois on le voit, hein, mais même pas que c'est sites de supporters, le titre est très aguichant, l'article est vide, ou avoir des mots très durs, est-ce que ça peut pas desservir un coach ou un joueur justement de se positionner comme ça sur ce type de médias? Non, mais écoutez, moi je pense que tout le monde est respectable et tout le monde doit être respecté. Donc je ne vois pas pourquoi un coach, un joueur ou un agent s'interdirait de parler dans tel ou tel ou tel média. Ça c'est la première chose. La seconde, c'est que j'estime que nous sommes assez grands, les uns et les autres, pour gérer notre propre communication, savoir ce que l'on a à dire, et ne pas effectivement tomber non plus dans la provocation ou dans le supporterisme à tout écrin, même s'il est respectable, bien évidemment. Mais c'est à nous, en tant qu'adultes, de faire passer les messages. Donc je vois pas en quoi ça pourrait porter préjudice à Didier ou à quelqu'un d'autre que de s'exprimer sur des sites de supporters. Absolument pas. Ce qui serait répréhensible ou tout du moins condamnable, c'est de profiter de ces canaux pour dire tout et son contraire. Bon, ce qui n'est pas le cas de Didier, ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Mais voilà, j'estime que il faut parler, je veux dire, vous faites partie en tant que supporter, vous êtes des acteurs du monde du football. Et je pense que les rapports seraient bien meilleurs si tout le monde se parlait régulièrement, toute franchise, et peut-être pas nécessairement de façon publique, mais qu'il y ait un vrai échange. Voilà, c'est tout. Ça, vous parlez à des convaincus, puisque nous, on galère avec les clubs, notamment celui des joueurs de Bordeaux, pour avoir des interviews de joueurs, puisque maintenant, ils n'ont même plus le droit de nous parler. C'est ça. Dernière question avant qu'on vous pose des questions sur Gaëtan. Aujourd'hui, si est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez vous-même vécu ce genre de situation, une situation où l'agent n'est plus en hauteur de sainteté dans un club et où les joueurs partent ou changent parce que sinon c'est la porte est montrée aux joueurs parce qu'ils ne veulent plus de cet agent dans le club. Est-ce que vous connaissez ce genre de problématique ou des choses qui se sont passées avec des agents dans le passé? Non, mais c'est simple. Aujourd'hui, la relation joueur, coach et agent, généralement, est forte. Moi, il m'est arrivé, à titre personnel, d'être, non pas en conflit, mais en des termes plus ou moins froid avec un président de club. Il y a un vieux, il y a une vieille maxime, les agents, mes aînés, me disaient: Christophe, lorsque tu te fâches avec un président ou avec un directeur sportif ou avec un coach, te prends pas la tête. Le jour où il voudra ton joueur, il t'appellera. Et moi, ça m'est arrivé, voilà. Je ne citerai pas le nom, mais un jour, un président, j'étais amené à être en désaccord avec un président sur un dossier. Il voulait un joueur dont je gérais des intérêts. Ça ne s'est pas fait parce que j'estimais qu'il n'entrait pas dans l'intérêt du joueur que je représentais à l'époque, qu'il s'engage en faveur de ce club. Le président m'en a voulu, il a été pendant 2 ans sans me parler, et puis est arrivé le jour où il m'a fait appeler son directeur sportif en me disant: ah, Christophe, on veut ton joueur, quelles sont les conditions? J'ai été plus intelligent que tout le monde, il m'a répondu, et pour la petite histoire, le joueur a signé dans le club. Et le président, je l'ai vu lorsque j'ai pas fait les négociations financières et la rédaction du contrat avec lui, mais avec ses directeurs généraux, et directeur général et directeur sportif. Mais le jour de la signature, il est venu me serrer la main en me disant sans rancune. Voilà, ça fait partie de la vie. Ça arrive qu'un agent puisse dire à un joueur non, j'ai refusé pour toi. Non, parce qu'au final, vous refusez, mais c'est quand même le joueur qui a le dernier mot. Donc, il peut vous en vouloir, mais je vois pas trop le. C'est ce que je voulais. J'ai répondu à cette question. Oui, non, mais c'est pour ça. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse en vouloir à un agent que ça aboutisse pas, alors que c'est quand même le joueur qui a le dernier mot, quoi. Exactement. Mais vous avez complètement raison. Mais après, il y avait une certaine catégorie de présidents qui pensaient que certains agents pouvaient avoir plus de pouvoir qu'ils n'en avaient. Voilà, tout simplement. Alors bon, c'est gratifiant et ça flatte notre ego, mais ça correspond pas à la réalité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de cette profession d'agent. On va parler de d'un joueur qu'on connaît bien ici à Bordeaux, qui malheureusement qu'on invite volontiers dans Girondanaise, Monsieur Eto'o. Et qu'on a, si le club veut nous faire grâce de temps en temps de nous, non mais surtout qu'on lui avait demandé il y a quelques temps. Oui, on avait eu droit. Sauf que le club nous a rembarré direct. Donc c'est Gaëtan Laborde, évidemment. Déjà première question, comment va-t-il? Bien. Je l'ai eu à midi ce matin. Il a passé une nouvelle radio de contrôle. L'évolution est positive. Il va recommencer la course dans les prochains jours. Donc la cicatrisation se déroule comme elle doit se dérouler. Il a des fourmis dans les jambes, il a des abeilles dans la tête. Toute la blessure de Mandy doit. Oui, en plus. C'est dégueulasse, mais motivé en plus. Non, franchement, non. Non, il était beaucoup plus. Je me doute qu'il était pas content pour son copain, vraiment, mais là, il n'y a plus qu'un. Non, il était vraiment dégoûté pour son coéquipier. Parce que Gaëtan m'a toujours dit, il me dit toujours que c'est un bon garçon, Mandy, humainement parlant, et on peut pas se satisfaire en aucun cas de la blessure d'un de ses coéquipiers ou d'un de ses collègues, parce que justement lui il l'a vécu, il aura été absent des terrains 3 mois et il sait trop comment c'est compliqué dans la tête pour gérer ces périodes. Donc moi, Gaëtan va bien, il avait vraiment la pêche aujourd'hui, parce que la radio de contrôle était vraiment positive. Donc il va recommencer à courir. Maintenant, il ne s'agit pas de griller les étapes. Ouais. En tout cas, moi, j'y serais très vigilant. Parce que la tentation de vouloir revenir trop vite à cette période délicate que vivent les Girondins pourrait être grande, mais en tout état de cause, moi je serais l'empêcheur de tourner en rond. La carrière de Gaëtan débute et on peut pas prendre le risque de grignoter une semaine ou 15 jours dans ces conditions. Non. Oui, puis c'est quelqu'un qui est jeune, il a encore de belles années de footballeur devant lui, donc c'est vrai que griller tout ça. Je pense que personne ne sait aujourd'hui jusqu'où il ira et où il va s'arrêter. Croyez-moi, j'ai eu la chance, depuis que je suis agent, de m'occuper quand même de grands joueurs, que personne n'a vu venir et qui ont fait des carrières magnifiques. Mathieu V, par exemple, complètement. Pas que lui, mais lui aussi. Entre autres. et je suis convaincu que Gaëtan a même quelque chose de plus que bon nombre de gens dont je me suis occupé et qui ont eu de grandes carrières, parce qu'il a une maturité telle qu'il ira loin, j'en suis convaincu. Il a bon espoir, alors sans parler de date évidemment, parce que c'est totalement surréaliste de parler ça, mais est-ce qu'il sait à peu près quand il va revenir? Son retour, ça serait plus début janvier ou pour... Oui, début janvier, avec une reprise probablement, disons, en tout cas, parce qu'on verra après s'il jouera. Je fais pas d'humour. On parlait un petit peu aussi juste après. mais en tout cas, je pense qu'il sera apte à reprendre la compétition mi-janvier ou plus tard. D'accord, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça fait quand même un moment, le pauvre, que ça fait quoi là, 3-4 ouais, là, 3 mois, 4 mois, puis, ça mois fait, ouais. Ouais, 2 mois, ça hein, déjà qu'il a été blessé. Comment, alors évidemment je vous posais la question, je me doute qu'il le vit pas bien, mais comment il vit justement cette situation de l'extérieur? Le sentiment qu'on a, nous supporters de l'extérieur, c'est qu'il a un peu payé malheureusement son match à Vidéotron au mois de juillet. Début de saison. Ça, t'as l'impression qu'il a payé sur ce match-là, alors que l'année dernière, ça marchait bien. Enfin, personnellement, je vais présenter les choses différemment, parce qu'on a des avis qui ont divergé sur ce cas-là, mais pour certains, c'était incompréhensible qu'il n'ait pas plus de confiance du coach avec les 6 derniers mois qu'il a fait. Et on a l'impression que le match, l'occasion ratée, parce que c'est pas forcément le match, c'est une occasion ratée dans un match, la Vidéoton lui a coûté sa place de titulaire. Comment on gère quand on est agent ce genre de choses? Et surtout que les joueurs qui le remplacent ne sont pas plus performants, ou, à part le petit Mendy qui a mis 4 buts, mais... Gaëtan a mis 13 la saison dernière, ouais, il a fait 7 passes décisives. Donc meilleur buteur du club la saison dernière, meilleur combinant du club. Déjà, on parle de quoi? On parle de Vidéoton, on parle du match retour. Oui, en plus, toute l'équipe a été nulle. Je pense que tout le monde a oublié une chose. C'est que Gaëtan, il a joué que 48 minutes. Oui. C'est bien d'accord. C'est bien pour ça que j'ai raté. C'est bien pour ça que j'ai bien dit une occasion ratée. Voilà, une occasion ratée. Effectivement, il s'en est voulu, mais il a joué 48 minutes, hein, on est tous bien d'accord. Oui. Non, mais je crois que c'est important quand même, hein, de bien repréciser le contexte. Hein. Oui. C'est surtout ce qu'on comprend pas. Alors malheureusement, bon, sa blessure a un peu coupé. Peut-être que la blessure aussi a peut-être indirectement. Alors je sais pas. Ça c'est vraiment une supposition que moi je fais. Je me dis peut-être que la blessure de Gaëtan a aussi un petit peu dû malheureusement modifier les plans de Jocelyn Gourvennec, puisque du fait qu'il n'ait plus 3 attaquants valides mais 2, je pense que tu. Mais après c'est ça, dois gérer ça. De la relation qui est entre Gaëtan Laborde et Gourvennec, parce que Gourvennec, quand il parle de Laborde et quand il a fait venir Mendy, et qu'il disait je veux faire comme on a fait avec Gaëtan Laborde, est-ce que la relation entre les deux, alors on a entendu de tout, hein, mais certains disaient qu'elle était pas bonne, ou c'est moi j'ai l'impression, et après c'est peut-être Gaëtan Laborde qui aura du mal à le comprendre comme ça, que Gourvennec a l'impression que Laborde c'est quelqu'un qui de par son caractère il peut plus facilement le mettre sur le banc ou voilà le faire jouer ou le sortir en cours de match si lui est moins bon. Mais c'est pas forcément le seul joueur moins bon. Voilà. Est-ce que Gourvennec a une vision de Gaëtan Laborde comme un joueur qui est, on va dire, gentil, qui sera toujours, qui travaillera toujours pour le groupe et tout ça, et que finalement ça peut pas risquer pour Gaëtan d'en pâtir? Alors, on dit toujours que les voix du Seigneur sont impénétrables. Les voix de Jocelyn Gourvennec le sont également pour moi. Donc je ne peux pas répondre à votre question, malheureusement. J'aimerais avoir une explication, j'aimerais pouvoir répondre à cette interrogation qui est la vôtre, mais je n'ai pas de réponse. Je note quand même, malgré tout, que au-delà des 13 buts qu'il a inscrits l'année dernière, que beaucoup de gens ont oublié, y compris une partie du public, au-delà des 7 passes décisives qu'il a accomplies la saison dernière, qu'une partie du public a également oublié, sachez que c'est un garçon qui parcourait en moyenne entre 12 et 13 kilomètres par match. Quand la moyenne est de 10, je crois, à peu près, ou un truc comme ça. Oui, pour un milieu de terrain. Pour un milieu de terrain. Pour un attaquant. Lui, attaquant, c'est beaucoup, en gros. Hein. Ouais. Attaquant, c'est entre 6 et 7. Hein. Jérémy Toualan, c'est un garçon d'une intelligence extrême, disait dans la presse l'année dernière, Gaëtan nous transcende. Gaëtan nous transcende parce qu'il n'arrête pas de courir partout, il n'arrête pas d'aller déclencher les pressings. Et nous, ses coéquipiers, on n'a pas le droit de ne pas faire les efforts nécessaires lorsque l'on voit les efforts que Gaëtan accomplit dans un match. C'est aussi un paramètre important dans notre réflexion à tous. Et ça prouve que le garçon, il est complet. Et je pense que tout le monde l'a oublié, oui, trop vite. Et je pense que Gaëtan a souffert, j'assume mes propos, d'un manque de reconnaissance qu'il ne méritait certainement pas, eu égard à l'amour qu'il a pour ce maillot des Girondins de Bordeaux, et eu égard aux efforts qu'il a accomplis, eu égard à sa carrière, jeune carrière, en acceptant de partir pour s'aguerrir en national, au Red Star, à Clermont, où il a été très à Brest, oui. Où il a toujours été on ne peut plus prolifique. Mm-hmm. Donc, tout ceci, oui, moi, m'a encore plus plongé dans une forme de frustration qui était difficile d'ailleurs pour moi à gérer, parce que le joueur lui-même était frustré de cette situation, il en souffrait terriblement, mais comme c'est quelqu'un qui a l'amour de ce maillot et qui est d'un profond respect pour les autres, il prenait ça sur lui. C'était des moments, oui, forcément difficiles à vivre pour lui. En tout cas, c'est un garçon dont on voit, dont ce qu'on peut constater, en tout cas nous sur le terrain. En tout cas, c'est pas un garçon qui triche. Ça se voit, ça se voit tout de suite. Lui, et même quand, voilà, le peu qu'on a pu un peu discuter avec lui. Clairement, aujourd'hui, et puis après on conclura parce que c'est la pause. Clairement, aujourd'hui, il est lui dans sa tête, c'est je veux revenir, m'imposer dans ce groupe, m'imposer dans cette équipe, redevenir titulaire et montrer au coach que ben voilà que je suis encore là et que je peux rendre service, parce qu'en ce moment on a quand même bien besoin de quelqu'un qui plante un peu devant quand même. La seule chose que je peux vous dire alors à laquelle nous parlons, c'est que Gaëtan a envie de jouer. Après, vous interpréterez mes propos comme vous entendez les interpréter, mais il est clair que Gaëtan ne pourra pas revivre une deuxième partie de championnat comme celle qu'il a vécue lors de la première. Mmh. Ça, c'est une certitude. Une question. Si c'est à Bordeaux, tant mieux, parce que c'est son club, c'est sa région. Il a un amour vraiment viscéral et je pense que il ne fait pas lui semblant. Je pense que vous en êtes tous conscients. Donc il va tout faire, bien évidemment, pour revenir compétitif. Si tant est qu'il ne l'était plus, parce que j'ai aussi entendu chez certains de vos auditeurs, entre autres, hein. Gaëtan n'a pas fait un bon début de saison. Mais en vertu de quoi on juge que Gaëtan n'a pas fait un bon début de saison? Il a pas beaucoup joué. Ouais, donc, Il a pas en championnat cette année. Ouais. Mais on va devoir s'arrêter là-dessus. Ouais, parce qu'on a un petit. On était. Hop là. C'est rien, c'est la technique, on va se refaire et on va conclure. On va le rappeler et on va terminer. Petit problème de téléphone, ça arrive. C'était quand même hyper intéressant. Moi j'ai appris un truc, alors on va le récupérer, vous inquiétez pas, on a un petit problème de téléphone, ça peut arriver. On a appris plein de trucs. Alors on vous cache pas qu'on n'a pas pu poser l'intégralité de ce qu'on avait préparé. Oui, c'est ça. Mais voilà, hop là. Donc, on a récupéré notre invité. Excusez-nous, petit problème de téléphone. Coupé. Ça arrive. Enfin, petit problème technique. Ça peut arriver en direct. Non. Toute dernière question pour conclure. Didier Toulon, c'est ça? Non, non, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Non, juste, c'est plus à la limite sur vous, voilà. Vos objectifs, comment vous voyez la suite? Vous comptez, vous dites pourquoi pas faire tout encore toute ma carrière là-dedans ou Non. parce que ça doit être sacrément usant quand même, mine de rien. Non, c'est usant, ouais. C'est passionnant. C'est passionnant parce que franchement, vous faites beaucoup de rencontres. C'est très enrichissant intellectuellement parlant. Et puis c'est un métier, ne soyons pas hypocrites non plus, hein, qui vous permet de bien vivre également. Donc ce n'est pas négligeable. Maintenant, je dis toujours, et c'est l'un des derniers chapitres de mon livre, je dis toujours que quand je vois, et ne me demandez pas de nom parce que je pourrais pas répondre, mais quand je vois comment certains clubs aujourd'hui recrutent, travaillent, je me dis... Aïe, aïe, aïe. Alors, vous allez probablement me trouver très prétentieux. Mais j'ai fait, depuis 2004, j'ai fait un tableau récapitulatif pour un éventuel investisseur, hein, parce que aujourd'hui c'est vrai que le trading player est quelque chose de forcément attractif pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Il m'a dit, cette personne me demandait de faire un tableau des investissements que j'ai fait faire au club depuis que je suis agent et des reventes. Et j'ai fait donc le tableau récapitulatif des achats, donc les sommes que j'ai fait investir au club avec lesquelles j'ai travaillé sur certains dossiers de joueurs dont je gérais les intérêts. Il y avait moins de 3 millions d'euros d'investissement pour un total revente de près de 34 millions d'euros. C'est-à-dire que j'ai fait gagner plus de 30 millions d'euros à un certain nombre de clubs français, en globalité, hein, bien évidemment, en l'espace d'une douzaine d'années. C'est donc quand je même, me dis que c'est quand même pas mal. J'ai un œil qui n'est pas si mauvais que cela. Il y a probablement bien meilleur. Hein. Attention, hein, je vais pas à 50 ans m'inventer une vie de disons, j'ai plein de défauts, mais j'ai une qualité, au moins c'est celle de ne pas être quelqu'un de vaniteux ni de prétentieux. Mais je me dis quand même que peut-être que mon analyse, un jour, pourra servir un club. Parce que je me dis que bah, forcément, quand on présente de tels chiffres et de tels résultats, bah, c'est que forcément vous n'êtes pas totalement mauvais. Donc, on a bien compris entre les lignes, votre avenir professionnel se déroulera sûrement. Gaëtan Laborde qui aura fait toute sa carrière à Bordeaux se déroulera sûrement dans un club. Une fois que Gaëtan et les autres auront terminé leur carrière, je m'accorde encore une petite dizaine d'années à jouer les empêcheurs de tourner en rond dans le milieu du football avant de devenir éventuellement dirigeant ou responsable de recrutement, bien sûr. Bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. J'ai une petite question quand même pour recentrer votre livre Mes secrets d'agent. Si vous aviez une raison et une seule pour laquelle il faut avoir ce livre au pied du sapin le 25 décembre. Il se vend super bien d'ailleurs. Ça cartonne sur... Sur les sites de vente. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les résultats sont vraiment géniaux. L'éditeur et moi encore moins ne s'attendait à de tels résultats puisqu'ils ont été contraints, mais avec joie, hein, de retirer 5000 exemplaires supplémentaires pour satisfaire les demandes à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc non, le livre a été pendant un mois et demi numéro un des ventes dans la rubrique sport sur Amazon et sur la Fnac, pour ne citer que. Donc bah, c'est que forcément, même s'il y a eu une grosse promotion, hein, autour du titre, j'ai été reçu sur quasiment tous les plateaux TV et radio, et ça c'est et la presse écrite s'est également fait l'écho, hein, de ce bouquin, c'est qu'il a plu. Alors une bonne raison, c'est que si vous voulez réellement découvrir l'envers du décor avec ses joies, ses super moments, ses superbes histoires, mais aussi ses trahisons, ses coups bas, c'est sûr que vous allez beaucoup, beaucoup apprendre. Et puis si vous voulez, vous savez pas tout sur Zidane, vous savez pas tout sur Digari, qui sont des potes encore aujourd'hui. Je raconte plein d'anecdotes sympas. Si vous voulez connaître la couleur du premier canapé de Véronique et de Zizou lorsqu'ils sont arrivés à Bordeaux, gardez-en un peu pour le numéro 2. Non, il n'y aura pas de numéro 2. Il n'y aura pas, disons, je pense pas, en tout cas, il y aura peut-être une suite, mais qui ne fera pas Mes secrets d'agent numéro 2, parce que. Bien évidemment, et vous l'avez noté tout à l'heure, parce que vous êtes intelligent, on ne peut pas tout dire, bien évidemment. Oui, bah oui. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait plus drôle. Non, puis je change de métier. Oui, oui, surtout, oui. Donc, si vous voulez faire encore un petit peu carrière, autant attendre un petit peu. Merci beaucoup, Christophe Hutto, d'avoir été notre invité. Merci. On a vraiment, enfin, moi personnellement, on a vraiment découvert plein de choses, appris plein de choses sur votre métier. Et puis, on va vous souhaiter bonne continuation pour la suite. Vous aussi, bien sûr. La bien prochaine sûr. Et fois puis, aussi. Ouais. Et puis, des résultats pour les Girondins de Bordeaux. On va espérer. On va voir demain ce que ça va déjà donner. Demain. Et puis, comment on appelle ça? Bonne reprise à l'ami Gaëtan Laborde qui, si le club le voudra bien, est le bienvenu dans ce studio en direct. Je lui transmettrai, vous pouvez compter sur moi et je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que mon actualité va se rapprocher très rapidement des Girondins de Bordeaux. C'est une intuition et mon intuition généralement est pas si mauvaise que cela. Eh ben on suivra ça. C'est quel coach vous gérez les pop, pop, pop, c'est pop. Quoi le mot que j'ai dit tout à l'heure, les intérêts. N'en dis pas plus. C'est un teaser. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe Hutto. Allez, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et franchement, c'était bien. Hein. On a appris des trucs. Oui, c'est très bien. Interview que vous pourrez retrouver en podcast sur c'est quoi, le podcast internet. Alors on a débordé un petit peu. Hein. On va faire la pause à 22h15 au lieu de la faire à 22h. Oui. On a débordé un petit peu. Mine de rien. Il y a quand même des trucs. Je sais pas si Rico nous entend. Si Rico nous a dit que très bonne interview. Il a déjà 4 pages de. Mais il y a quand même deux infos les enfants importantes qui sont sur ces 10 dernières minutes. Gaëtan Laborde veut jouer, mais pas forcément à Bordeaux. Il a lui-même dit, interprétez-le comme vous voulez, il a dit Gaëtan Laborde veut jouer, il n'a pas dit veut jouer. Oui, il faut que. Ce qui s'entend évidemment, puisque le pauvre. Le voilà. Coach lui donne des Donc ça veut dire que Gaëtan Laborde peut-être potentiellement dire au club, les gars, voilà, prêtez-moi, faites quelque chose, parce que voilà. Et surtout, la dernière info, juste avant de raccrocher. Il a dit lui-même, son avenir va peut-être très prochainement se rapprocher des Girondins. Ça veut pas forcément parler d'un coach, ça peut être aussi d'un joueur. Non, bien sûr. Mais je pense pas que ça soit un coach. Mais ça veut dire qu'il y a donc en ce moment des discussions avec des gens, joueurs ou coach, et donc que Bordeaux est peut-être prêt à investir. Donc regardez tous les joueurs qu'a Christophe Hutto. Après voilà, à décrypter comme dit Chris. Je dois t'avouer que je vais quand même regarder la liste des coachs. Hein. Comme dit Chris 33, attention, voilà aussi. Un agent, ça parle bien et ça. Bien sûr, voilà, donc il doit y avoir un peu de. Mais ça donne envie de parler plus mais avec ça donne... lui. Voilà, c'est pour ça que franchement, c'était. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super bien. Donc, vous pourrez retrouver cette interview sur internet dès qu'on aura terminé le podcast. Putain, j'espère que non. Bref, non. Les enfants, on fait la pause parce qu'on est déjà pas en avance. Et on se retrouve dans quelques instants. RIG 90.7 FM, Girondin Analyse, RIGFM.fr. J'ai tout fait à l'envers là. On parlera de Toulouse. On n'aura pas le temps de revenir sur Strasbourg. Hein, ou alors très rapide. Mais c'est pas grave. Match. Avant match Toulouse, j'ai le groupe bordelais, j'ai le groupe toulousain. Il y a des surprises, notamment côté bordelais. On fait la pause. Et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Girondin font partie de votre vie. Dites sur Girondin Analyse tout ce que vous pensez, en bien, en mal, et soutenez toujours les Girondins.